J'espère à tous ceux qui nous soutiennent, de Paname jusqu'à Saint-Étienne. Je te le répète, n'oublie jamais si un terreau mange une grosse paix. Que ici bas tu paieras si y'a ceux qui sont au hub, frère. De Honifleury jusqu'à Vaine, depuis tout petit on encule sec Jean-Marie Le Pen. Moi je dérobe, tu leur fais de la peine. Nous ce qu'on aime c'est voir des frères qui font le Eden. C'est pour te prendre du bif, vois ça la haine, nique ta mère la chienne. ZZZF, Geek, Smorsai. On prend du rallye, on fait nos bails. Ouais 2012, on débarque dans vos enceintes. Trouve ça normal qu'on fait kiffer les femmes enceintes. Trouve pas ça normal si ta femme me dit que c'est une sainte. Moi, je veux pas finir dans un placard comme tes saints. Triant de la galère, Rothschild. Inch'Allah, bientôt la guerre sainte. Truant la galère, Rothschild. Insoumis, les lois de vie percent des lignes. Insoumis, encore un titre, l'État veut nous faire taire. Toujours au PMM, sous l'influence d'un revolver. Truant la galère, Rothschild. Insoumis, les lois de vie percent des lignes. Insoumis, encore un titre, l'État veut nous faire taire. Toujours au PMM, sous l'influence d'un revolver. Marseille, CRF et légionnaire Kiss. Dans 9, 5 et 75, rien que ça fait du pisse. Plan crin chez toi, ça sent la percuse. Arrête de jouer ton show, ta meuf, moi je l'ai déjà mise. En 1995, j'cartais les murs ma teste. Bientôt en 2015, maintenant j'casse des belles fesses. Braquage avec un masque de Willy l'ourson. 30 à galère, dédicace au mec, aux meufs de la prison. J'suis comme Ben Laden, j'ai pas peur de la mort. Le Front National, j'le baisserai même après ma mort. Y'a que quand t'es mort que tu peux pas revenir en arrière. Donc les jaloux, la chatte à votre grand-mère. Quand je fume du paquis, j'ai les yeux rouges. Le film blanc bleu dans la chatte à Marine Le Pen, ça fait bleu blanc rouge. Quand tu croises un clochard, donne-lui une pièce. Les petits du quartier ont raison, ils font la règle au garde champêtre. Truant de la galère, Rothschild. Insoumis, les lois de vie percent des lignes. Insoumis, encore un titre, l'État veut nous faire taire. Toujours au PMM, sous l'influence d'un revolver. Truant de la galère, Rothschild. Insoumis, les lois de vie percent des lignes. Insoumis, encore un titre, l'État veut nous faire taire. Toujours au PMM, sous l'influence d'un revolver. Sarko, un schtroumpf qui se prend pour Gargamel. Son seul but, nous mijoter dans sa gamelle. La vie est belle, non, ici on survit comme Ken. Y'a qu'Alice qui croyait vivre au pays des merveilles. Si j'étais l'architecte de la statue de la liberté, dis-toi qu'à cette heure-ci, elle aurait eu un glaive. Marche ou rêve, crache ou crève, je crois qu'on saigne. Pendant que les tarus font la trêve, les bâtards veulent nous douiller, les vicelards nous amadouer. Chez les politiques, y'a plus de sous que de doués. Que les rêves soient soudés, rafale de coups de coups de partisans du FN, du PS et de l'UMP. On veut taper le plongeon, sachant que la piscine est vide. Leur promesse n'est qu'une fiction qui t'envoie dans le précipice. ZRF, Marseille, un fuite qui t'assaille. En service à une hyène, elle finira par manger ton cadavre. Eh oh, 7595, à toutes les têtes. Ouais, à la Belgique aussi. Et la Suisse bien entendu. Rothschild Family. Truant de la galère. Bah